Ndiko manyanga. Alphonse Kougimana est à la cabine du son. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, à ce journal dont voici d'abord l'essentiel. Un délai de 5 jours est recommandé à tout cadre du ministère de la fonction publique et du travail œuvrant dans la direction de la gestion de la carrière pour avoir terminé le traitement d'un dossier d'un fonctionnaire de l'État qui s'adresse au ministère. C'est ce qui ressort d'une réunion animée ce lundi par le ministre Veniste Mouyabanka. Certains conducteurs de véhicules de transport qui font le trajet Guité-Gangosi ont arrêté leur travail ce lundi pour cause manque de carburant de type essence et contestation d'une amende de 500 000 francs burundais de revue à la hausse du ticket de transport sous prétexte d'achat de l'essence en Tanzanie à un prix élevé. Les prix de produits de première nécessité comme le riz, la banane et le lait grimpent toujours dans différents marchés et cafétérias de Bujumbura, la capitale économique. Vous aurez les détails avec nos consoeurs et confrères qui ont fait le tour. Bienvenue à cette actualité. Un délai de 5 jours recommandé à tout cadre du ministère de la fonction publique et du travail œuvrant dans la direction de la gestion de la carrière pour avoir terminé le traitement d'un dossier d'un fonctionnaire de l'État qui s'adresse au ministère. Veniste Mouyabanka, ministre de la fonction publique, dit ne pas comprendre pourquoi les gens passent leur moment au sein du ministère à la recherche des documents et qu'ils n'en trouvent pas. C'était ce lundi dans une réunion avec les cadres de ce ministère de la direction de la gestion de la carrière pour échanger sur la façon de travailler. Pour ceux qui viennent à Bujumbura en provenance de l'intérieur du pays, le ministre Mouyabanka leur a demandé de le signaler immédiatement pour que leur dossier soit traité à temps. C'est une réunion qui visait essentiellement à la bonne gestion de la carrière d'un fonctionnaire. Nous avons tenu cette réunion suite au décembre que nous avons organisé pendant les vacances gouvernementales. Nous avons rencontré pas mal de fonctionnaires à l'intérieur du pays et nous avons senti les grandes préoccupations, les grands soucis qu'ils rencontrent lorsqu'ils s'adressent à notre ministère. Principalement, ces soucis provenaient ou s'orientaient vers cette direction. Nous les avons alors tous réunis pour les mettre au courant de cette situation. Ils le savaient déjà, je pense, mais c'était une occasion de leur dire que trop c'est trop, que nous sommes appelés à satisfaire les usagers qui s'orientent à nous et que nous devons soigner l'image et nous devons travailler à la satisfaction de ces usagers-là. Les lamentations qui s'observent à gauche à droite proviennent de l'ignorance, du non-souci. Donc, il a été rappelé à tout fonctionnaire œuvrant dans ce service qu'il a l'obligation de bien servir tous les usagers qui sont à nous. C'est ainsi que la période qui avait été annoncée de traitement d'un dossier de 5 jours, qui malheureusement n'avait pas été observée, sera observée obligatoirement. Tout fonctionnaire qui s'adressera à ce service devra avoir une réponse en délai 5 jours. Passé à ce principe, à cette obligation, le fonctionnaire aura outrepassé, aura mal fait et en sera responsable. Pour que le pays se développe, il faut développer cette manière de bien faire, de faire à temps toutes choses. Désormais, un dossier qui passera 5 jours sans réponse, la responsabilité sera portée à ce fonctionnaire qui en est l'auteur. Certains conducteurs de véhicules de transport qui font le trajet Guité-Gangosi ont arrêté leur travail ce lundi pour cause manque de carburant de type essence et contestation d'une amende de 500 000 francs bout de revue à la hausse du ticket de transport sous prétexte d'achat de l'essence en Tanzanie à un prix élevé. Ces conducteurs réclament la disponibilisation du carburant et le droit de négocier le prix du ticket de transport avec les passagers, du moins pour l'essence achetée en Tanzanie. Certains passagers passagers ont dû voyager en camion à 15 000 francs pour se rendre en Ngozi. Une information que nous devons à Gérard Nibigira, notre correspondant à Gitega. Selon ces conducteurs de véhicules de transport en commun qui empruntent l'axe Gitega-Ngozi, les raisons d'arrêter leur travail ce lundi sont d'abord le manque de carburant de type essence. Ensuite, ils expliquent qu'ils avaient l'habitude de s'approvisionner en essence en Tanzanie et ainsi qu'ils devraient revoir à la hausse le prix du ticket, passant du prix du ticket officiel de 7100 francs bout à un prix du ticket variant de 15 à 20 000 francs bout. Et comme la police leur inflige une amende de 500 000 francs bout pour avoir dépassé le prix du ticket officiel une fois attrapé, ils ont cessé d'acheter du carburant cher en Tanzanie pour échapper à cette amende. Ils ajoutent qu'ils revoient à la hausse le prix du ticket parce que l'essence est chère en Tanzanie, un litre coûtant plus de 10 000 francs bout, alors qu'au Burundi, il coûte 4 030 francs bout. Ils soulignent également que 10 000 francs bout s'échangent contre 3 500 chilés tanzaniens et que pour faire le plein d'une voiture taxi de type Probox au Burundi, il faut 242 000 francs bout, mais en Tanzanie, c'est plus de 650 000 francs bout. Donc, ils trouvent normal et même logique d'augmenter le prix du ticket. Ainsi, ils demandent que le carburant soit rendu disponible ou alors qu'ils aient le droit d'acheter l'essence en Tanzanie et ensuite de négocier le prix du ticket avec les passagers, signifiant que certains passagers les comprennent. Vous saurez que les passagers qui ont quitté Gitega vers Ngozi, qui se sont réservés le droit de s'exprimer sinon au micro, ont dû voyager à bord de camions à 15 000 francs bout de ticket et que 2 semaines viennent de s'écouler sans aucune goutte d'essence dans toutes les stations-service de Gitega. Depuis Gitega, Gianni Bigila pour la radio Isanganiro. Toute moto des provinces du nord du pays sans document sera saisie durant toute une année, annonce du commissaire régional de la police dans un communiqué lu ce dimanche dans les églises. Le général Lambert Habonimana met en garde également tout motard qui transportera plus d'un passager. Les passagers de plus seront aussi sanctionnés. Les conducteurs des motos contactés par les d'énormes difficultés de transport d'un passager alors que le carburant n'est disponible qu'au marché noir à 25 000 francs une bouteille d'un litre et demi, d'où ils demandent au gouvernement de disponibiliser le carburant. Les détails avec Apollinaire Moussakar. Dans son communiqué lu dans les églises, le commissaire régional de la police parle des motos qui n'ont aucun document et dont leurs conducteurs sont même sans permis de conduire. Le général Lambert Habonimana, commissaire de la police dans les provinces Ngozi, Kayanza et Kirundo, prévient que de telles motos seront arrêtées et saisies durant toute une année. Il conseille cet effet aux propriétaires de ces motos de vérifier si le motard est en possession d'un permis de conduire au lieu de donner sa moto à n'importe qui. Ce responsable de la police au nord du Burundi met en garde également les motards qui transportent plus d'un passage. Et le motard et les passagers de plus seront, d'après lui, tous sanctionnés. Ces conducteurs semblent être désespérés. Selon eux, transporter un seul passager au moment où un litre d'essence coûte entre 25 000 à 30 000 francs bout au marché noir est impossible. Ces conducteurs de moto demandent au gouvernement la disponibilisation du carburant afin de respecter ces nouvelles mesures. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je commerce à présent les prix des produits de première nécessité comme le riz, la banane restent élevés dans différents marchés comme au marché du Cotebou suite au coût de transport difficile en cette période de pénurie de carburant. Certains vendeurs donnent l'exemple que le coût du transport de ces produits qui était à 100 000 francs est aujourd'hui à 250 000 francs burundais de l'intérieur du pays vers Bujumbura. Les consommateurs et vendeurs se disent désemparés de cette situation et affirment perdre espoir que la situation pourra changer après tant de promesses que les prix vont être régulés mais en vain. Le détail dans ce reportage d'Ornella Mucho. Kare igitoro kitarazimba igitoki warakironka kuri bitanu Dans différents marchés de la capitale économique de Bujumbura, comme au marché dit Kotebu, situé en zone Ngagara, les grognes et lamentations se font entendre chez différents vendeurs que les produits de première nécessité ne cessent de grimper suite au transport rendu difficile par la pénurie du carburant. Ils déplorent qu'ils font face aux difficultés liées au transport de ces produits en provenance de l'intérieur du pays, car le prix a doublé, voire triplé, puisque certains préfèrent s'approvisionner en carburant en RDC ou en Tanzanie. Ces vendeurs donnent l'exemple que le coût de transport pour les tomates et papayes en provenance de la province Cibitoke vers Bujumbura est passé de 100 000 à 250 000. Un panier de fruits qui s'achetait entre 30 000 et 40 000 s'achète aujourd'hui entre 100 à 120 000 francs bout. Et pour les bananes, ils indiquent qu'ils paient 2 000 francs pour le transport par pièce, qui s'ajoute au prix d'achat au moment où, dans les conditions normales, ils payaient le transport de 500 francs bout par pièce. 1 kg de bananes s'achète à 1 800 francs à l'intérieur du pays. Et à Bujumbura, ça s'achète à entre 2 500 et 3 000. Avant, le coût de transport était entre 500 et 1 000 francs par pièce, mais aujourd'hui, c'est à 2 000 francs à côté de son prix d'achat. Un probox qui faisait payer 50 000 francs de transport de haricots d'Ngozi vers Bujumbura, aujourd'hui, c'est à 100 000. C'est vrai que les clients viennent, mais ils achètent en se plaignant de cette situation. Nous enregistrons des pertes car soit on diminue la quantité à acheter ou bien on augmente le capital. Les consommateurs rencontrés au marché Kotebu se disent désemparés de cette situation et indiquent que malgré que certains produits ont été revus à la baisse, que ça ne dure pas, suite toujours à la pénurie du carburant, tous trouvent que le seul moyen pour faire face à cette hausse inquiétante des produits de première nécessité est de disponibiliser le carburant en quantité suffisante. Le prix du lait augmente dans le centre-ville de Bujumbura, passant de 3 000 francs à 5 000 francs le litre au cours de ces trois derniers mois. Ceux qui exercent le commerce de ce produit expliquent que les besoins nécessaires à l'élevage des vaches et l'utilisation de cette denrée par les unités de transformation sont notamment les raisons qui sont à l'origine de cette hausse. Ces derniers, de même que les consommateurs, plaident pour la régulation du prix appliqué sur ce produit. Les détails avec Alexis Daysenk. Selon les commerçants du lait dans le centre-ville de Bujumbura, le prix de ce produit a été revu à la hausse, passant de 3 000 francs à 5 000 francs le litre dans ces trois derniers mois. Ça fait 2 ou 3 mois que la hausse des prix du lait se manifeste d'une façon inexpliquée. Avant, nous vendions le lait à 3 000 jusqu'à 3 500. Nous venons de passer une semaine à ce nouveau prix. Il y a des mois, le prix était sur 4 000 francs. Ces commerçants expliquaient cette hausse par la hausse des besoins nécessaires pour l'élevage des vaches ainsi que l'utilisation du lait par des unités de transformation pour la fabrication d'autres produits. Le prix de l'herbe pour le bétail, le son de maïs ainsi que le son de riz a été revu à la hausse et nous avons haussé le prix du lait à notre tour à cause de ça. Nos fournisseurs nous disent que le lait de nos jours est très cher à cause des entreprises de transformation de ce produit en d'autres produits comme des yaourts et d'autres produits. Face à cette hausse, les conséquences se font sentir chez les consommateurs. Certains rapportent qu'ils ont diminué le nombre de prises de ce produit au moment où d'autres signalent qu'ils ont abandonné carrément ce produit. La hausse des prix du lait m'a touché. Auparavant, je prenais du lait le matin, mais pour le moment, c'est impossible. Mes enfants et ma famille en général ne prennent plus ce produit. Je demande au gouvernement de revoir à la baisse le prix du lait pour que la vie puisse continuer aisément. Ces commerçants, tout comme ces consommateurs, demandent au gouvernement de réguler le prix de cette denrée pour qu'elle soit consommée aisément. Cap sur Cibitoke, où les agriculteurs propriétaires des plantations de manguiers, des champs de tomates, aubergines et autres de différentes communes de la plaine de la Rusizi disent faire face au manque de transport de leurs récoltes vers les marchés d'écoulement suite au manque criant du carburant. Les pertes sont énormes, disait-il, tout en demandant au gouvernement de tout faire pour rendre disponible le carburant dans le pays, sinon ils ne voient pas comment ils vont rembourser les dettes qu'ils ont contractées au niveau des banques et microfinances. On les écoute. J'ai beaucoup de tomates de mûres, mais des problèmes de pouvoir acheminer la récolte au marché. Auparavant, on payait 7000 francs le transport vers Bujumbura du petit panier, mais actuellement, c'est entre 12000 et 15000 francs. Vous comprenez qu'arrivé là-bas, les prix doivent être un peu élevés et nous avons des difficultés car les acheteurs ne viennent pas en grand nombre. Dans les champs, nous utilisons beaucoup d'argent qu'on ne parvient pas malheureusement à récupérer par après. Avant, le véhicule de type Probox se payait 50000 francs burundais, mais on est appelé maintenant à payer 400000 francs jusqu'à Bujumbura. Si on ne cueille pas la tomate mûre, elle pourrit. Nous demandons aux responsables de trouver la solution à ce problème de manque de carburant pour faciliter nos activités commerciales. Le manque de carburant rend le transport de nos récoltes plus coûteux. Cela entraîne la perte de nos tomates car elles pourrissent faute d'acheminement. Nous sollicitons votre aide pour obtenir du carburant afin de faciliter le transport de nos marchandises. Au début du mois de janvier, la pénurie n'était pas exagérée. Le carburant était disponible à certaines stations-service. Mais il y a eu des changements à partir de mi-janvier quand on a constaté que les pompes étaient couvertes sans qu'on sache pourquoi. Jusqu'à présent, le carburant coûte cher. Nous vivons des situations de mésentente avec les clients car si le carburant est acheté cher, le prix de transport augmente aussi. La bouteille de Kinju s'achète à 35 000 francs. Nous implorons le gouvernement pour qu'il nous aide parce que nos familles ont besoin de vivre. La culture moderne de palmiers à huile a été lancée au Burundi en 1983 par une société de développement de la commune Rumonge SRD qui est devenue l'office de l'huile de palme OHP depuis l'an 2000. Nathanaël Binyaruka, agronome senior, fait savoir que le palmier peut donner la récolte après 4 ans ou bien même dans une période de plus de 2 ans, lorsqu'il est bien entretenu. Il ajoute que cette plante est cultivée dans un endroit chaud qui contient de l'eau suffisante. Les détails avec Jean-Marie Vianney, Ngendakoumane. Avant l'arrivée de cette société de développement de la commune Rumonge SRD, la culture du palme à l'huile était essentiellement pratiquée au niveau de la commune Rumonge et quelques peu dans les communes Burambi et Buyengero dans la province de Bururi. Nathanaël Binyaruka, agronome senior, fait savoir que la SRD a implanté la nouvelle variété de palmier appelée Tenera qui donne beaucoup de production par rapport à la variété Dula. L'historique du palmier à huile ici à la province de Rumonge. Le palmier à huile a été implanté en 1983 ici dans la commune de Rumonge. À cette époque, c'était une société de développement de la commune Rumonge SRD. Ce projet est venu dans l'objectif de changer ou bien d'implanter une nouvelle variété Tenera, car cette variété qui était là s'appelait Doua. C'était une variété Doua qui donnait peu de production. Alors, avec cette nouvelle variété Tenera, elle est très productive, précoce aussi. Comment ça a été alors? On a fait des commandes de graines germées pour faire une pépinière de cette variété Tenera. Selon cet agronome senior, depuis l'an 2000, SLD est devenu office de l'huile de palme à OHP. Avec ce changement, les fournisseurs de fertilisants ont suspendu le partenariat qui existait à l'époque de la SLD. Si j'essaie de comparer la production à l'époque de la SLD, les palmiers étaient bien entretenus et fumaient aussi. On y faisait des apports en engrais chimiques. Il y avait des suivis rigoureux aussi envers les agronomes. À l'époque, ils étaient obligés de loger tout près des plantations. Donc l'encadrement était rigoureux. Mais quand on a changé, quand l'OHP est venu, question d'engrais chimiques, donc la BAD qui était le fournisseur de ces engrais chimiques, donc a cessé. Et alors, s'il est temps d'inviter les palmiculteurs de donner ses apports, ils n'en font pas. Alors que le palmier, il y a des éléments minéraux qu'il exige. Donc ça a ajouté, donc cette différence se distingue de cette façon qu'il n'y a pas des apports en engrais chimiques. Nathanaël Binyaruka fait savoir que le contrat d'OHP avec les cultivateurs et que ces derniers puissent entretenir les plantations. Dans le contrat que l'OHP a donné aux palmiculteurs, il est permis que quelqu'un puisse vendre cette parcelle de palmicole à condition que l'acheteur respecte son contrat. Autrement dit, il faut qu'il respecte l'entretien. Cet agronome senior fait savoir que le palmier peut donner la récolte après 4 ans ou bien dans une période de plus de 2 ans lorsqu'il est bien entretenu. Il ajoute que cette plante est cultivée dans un endroit chaud et qui contient l'eau suffisante. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kugimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikouanera. Bonne suite de programme sur Sangadero.